dans sa lit, bouge-toi, faudrait pas trop traîner. Compte pas trop sur les autres, ils sont trop occupés. Si tu choisis leur route, peut-être qu'ils te verront. Mais là pour le moment, t'es loin de leur champ de vision. T'as pas pris un chemin où y a beaucoup de passages. La solidarité en a un coup dans l'aile. Il est fini le temps où avec tes bagages tu pouvais voyager comme les hirondelles. T'es plus dans le coup, t'es pas ringard, mais c'est tout comme. Tes mots s'envolent sans que personne ne les comprenne. Tout le monde n'a pas un dictionnaire, bah les mécanes. Tu ferais mieux d'écrire des chansons contemporaines. Donc du milieu, tu vois pas que tu gênes à vouloir empêcher que le monde tourne rond. Et ta façon de voir est bien trop aérienne. T'as pas encore compris qu'ici y a que pognon. Si tu rentres dans le moule, t'auras peut-être un siège. T'auras sans doute un lit à bouffer, une maison. Tu auras même le droit d'aller brûler un cierge dans n'importe quelle église pour demander pardon. T'es plus dans le coup, t'es pas ringard, mais c'est tout comme. Tes mots s'envolent sans que personne ne les comprenne. Tout le monde n'a pas un dictionnaire, vademécum. Tu ferais mieux d'écrire des chansons contemporaines. Range ta guitare au clou, il n'y a plus de musique. Personne pour t'écouter, tu fais pas assez de bruit. Maintenant faut du métal, du hard rock électrique. La musique que tu fais n'a plus cours aujourd'hui. Les mots n'ont plus de sens, personne ne les écoute. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ne servent plus à rien. C'est peut-être pour ça qu'on gagne mieux sa croûte. Lorsque ce que l'on chante ne raconte plus rien. T'es plus dans le coup, t'es pas ringard, mais c'est tout comme. Tes mots s'envolent sans que personne ne les comprenne. Tout le monde n'a pas un dictionnaire, ben les mécanes. Tu ferais mieux d'écrire des chansons contemporaines. L'époque, les valeurs ont changé. D'ailleurs, je me demande où sont les vieux critères. L'amour et l'amitié, c'est un truc de pédé. Y a plus que les marlots qui peuvent se la jouer fière. Au moins, on parle d'eux, ils ne sont pas anonymes. Ils passent dans le journal, écrivent même des bouquins. Racontent leur dernier cas ou leur série de crimes. Et leurs torchons se vendent presque comme des petits pains. Tout est plus dans le coup, t'es pas ringard, mais c'est tout comme. Tes mots s'envolent sans que personne ne les comprenne. Tout le monde n'a pas un dictionnaire, vademécum. Tu ferais mieux d'écrire des chansons contemporaines. T'es plus dans le coup, t'es pas ringard, mais c'est tout comme. Tes mots s'envolent sans que personne ne les comprenne. Tout le monde n'a pas un dictionnaire, vademécum. Tu ferais mieux d'écrire des chansons contemporaines.